On dirait Enigma. C'est le son d'Enigma. JP, il a trouvé le son d'Enigma. In Spiritus Santos. Jean-Pierre, toi, tu es un fan d'Enigma. C'est Enigma. Ah, mais c'est une machine électromécanique qui s'appelle Enigma. Enigma, parole. Sad, dis-moi. Sont tes fidèles. Es-tu contre Dieu? Sad, dis-moi. Procedamus in pes, in nomine qui Christi, amen. Cum angelis et pueris fidèle veniamur. Atolite portas principe vestras, et evamini portas actena. Allez, vas-y, fais-moi du... Jean-Pierre, tu progresses au clavier. Sad, dis-moi. Sad, donne-moi. Procedamus in pes, in nomine de Christi. C'est dur à dire ça. In nomine Christi, amen. Oh, oh, oh, oh. Sad, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas chercher, Jean-Pierre? Le bien par le mal, la vertu par le vice. Sad, dis-moi, pourquoi l'évangile dit mal? Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Oh. Thank you.